Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Luc Desormeaux au micro et encore une fois cette semaine pour m'accompagner, j'ai mon ami, mon collègue, celui qui a volé sur un vélo avec E.T. dernièrement, Marc Bouchard. Salut Marc! Je sens ta pointe de jalousie. T'as jamais fait ça toi avec E.T., c'est sûr? Non, ben je l'ai fait à Disney. Ah, moi aussi! Universal. Je l'ai fait là. Ouais. Donc oui, je l'ai fait. Mais... Ouais, ben, t'sais, avoue que le souvenir était quand même remarquable. Là. Oui, oui, oui, c'était quand même assez, écoute, assez bien. Ça n'a rien à voir, c'était un fil Snapchat, hein, juste de même. Là. OK, c'est juste un fil Snapchat. OK, je pensais que c'était... c'est vrai, c'est pas ce film-là qui a une réédition, là, c'est l'autre film de Spielberg là, qui rencontre du troisième type qui a une réédition qui va c'est venir non, au non, là, cinéma. C'est vraiment juste un filtre Snapchat. Et quand je l'ai fait, j'ai trouvé l'image tellement drôle que je pouvais pas ne pas la partager. Ouais, c'était bien. C'est sur ton Facebook, si les gens veulent aller voir. Effectivement, il y a une ressemblance frappante. Moi, je suis celui avec la barbe, au cas où vous posez la question. Là. OK, ouais. Je trouve pas qu'il y ait une ressemblance si frappante que ça, quand même. Là, E.T. On a cute. Les mêmes yeux, je trouvais. Ouais, mais E.T. est cute. Hein, mais c'est ça. C'est correct. Donc, Marc, on Comment ça, E.T. est cute, puis il n'y a pas de ressemblance? Ben, c'est ça. Tu veux-tu aller chez le diable? Ah, je peux bien. Marc, on a quand même une émission assez chargée cette semaine. Je vais juste expliquer aux gens. Un, premièrement, je veux m'excuser pour le problème de son de la semaine passée. De temps en temps, je joue avec mon ordinateur pour autre chose. Mon fiston veut devenir une vedette YouTube, comme j'ai peut-être déjà dit sur l'émission. Et puis, j'ai installé des caméras web. Et puis, l'application a décidé qu'elle ramassait le son de la caméra web, qui est comme à un pied et demi de ma bouche quand je parle directement dans un micro de qualité studio, là, ce que j'enregistre avec normalement. Ça a donné un résultat moindre, donc, mais on va essayer que ça n'arrive plus. Comme j'ai dit à Marc, on va faire un test de son chaque fois avant de commencer à enregistrer pour être certain que ça enregistre à la bonne place et le problème devrait être réglé. Donc, je m'excuse encore une fois. Remarque ouais. des fois, ça empêche certains commentaires de passer comme il faut. Des fois, c'est mieux quand ma voix sonne de loin, mais bon, en tout cas. Donc ça, et puis aussi cette semaine, on enregistre vendredi matin, on enregistre quasiment toujours le vendredi matin, et un peu plus tard dans la journée, je m'en vais à un événement Jaguar où ils font essayer des voitures à des clients et à la presse, donc je m'en vais à la partie presse de cet événement-là, donc c'est un petit peu plus tard ce matin, vers 10h, donc on enregistre, il est comme 8h30, donc si tout va bien, je vais rajouter des entrevues que j'ai faites avec des gens de Jaguar, et puis ça va être mis à l'émission. Si ça va pas aussi bien que je l'aimerais, ben il va y avoir une émission un peu plus écourtée, ça va être environ 45 minutes parce qu'on a aussi un bloc avec Martin Archambault de l'Avec qui va vous venir, oui. Il va venir nous parler de voitures électriques dont de la nouvelle Leaf et tu vas t'apercevoir Marc que nos opinions sont pas si loin que ça de celles de Martin, il y a aussi un petit peu de déception de son côté mais les gens vont l'entendre et puis on va terminer avec nos essais de la semaine, ce qu'on normalement, c'est dans le deuxième bloc, là, ça va être à la fin totalement. Donc, si ça va chez Jaguar, ça va pas bien, puis j'ai pas d'entrevue, vous allez avoir une émission de 45 minutes, donc ça va être notre ouverture où on va parler du Salon de Francfort dans quelques secondes. Remarque au pire, tu pourrais faire une entrevue en anglais, les gens sont pas si difficiles que ça et comprennent que nos intervenants, la plupart du temps, sont anglophones. C'est ça, mais on va voir ce qui va se passer. Je suis pas encore sur place, donc le Luc du futur le sait probablement maintenant. Mais le Luc du présent, là, c'est pas. Donc, on va voir ce que ça va donner. Marc, on va commencer par le Salon de Francfort. Ça se passe présentement. Il y a eu quelques petites présentations intéressantes. Là. Qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce qui t'a intéressé là, dans ce salon-là présentement? Ouais, ben, écoute, il y a eu plusieurs présentations intéressantes. Et ce qui est vraiment étonnant, en fait, du Salon de Francfort, c'est que c'est probablement le salon où il y a eu le plus de dévoilements de voitures électriques. Okay. Dans les faits, là, la quasi-totalité des dévoilements ont été, d'une manière ou d'une autre, électrifiés. Ouais, on s'en va vers là, ça paraît. Là. On s'en va vers là. Mercedes-Benz a dit qu'en 2022, il y aurait 10 nouveaux modèles. Volkswagen dit qu'en 2025, toute sa gamme va avoir au moins une version électrifiée. Mais attention, électrifiée partiellement. Bon, oui, ça veut pas dire 100% électrique, ça veut dire avec une forme d'hybridation, là. Exactement, d'une certaine façon. Alors, il y a ça. BMW 2025 aura 25 modèles. Bref, on est vraiment, vraiment là-dedans. Il y a quand même des affaires qui m'ont frappé, dont un élément, je sais, Martin sera peut-être pas d'accord, mais c'est pas grave, je suis habitué que Martin soit moins d'accord avec moi. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le Mercedes-Benz GLC. Et là, tu vas me dire, oui, mais ça existe déjà. Effectivement, mais Mercedes a présenté une version de production, j'insiste, okay, d'un GLC hybride. Mais là, quand on parle d'hybride, on parle de hybride à la fois électrique et à la fois fuel cell, à la fois hydrogène. Ce qui est rare. Normalement, on va d'un côté ou de l'autre. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné une capacité d'à peu près 50 km en mode 100% électrique. Et la balance va se faire avec des piles à combustible et une recharge à hydrogène pour une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres. Et là, quand on parle de plusieurs centaines, là, c'est vraiment, vraiment plusieurs centaines. Et quand j'insiste sur la notion de production, c'est qu'ils vont le vendre en Amérique à compter de 2019. C'est demain matin, ça, ben, littéralement. Dans le monde de l'automobile, c'est demain matin. Et ils ont aussi confirmé qu'en 2022, il y aurait plus de 400 bornes de recharge à hydrogène en Allemagne. Okay. Parce qu'ils ont investi là-dedans avec différentes compagnies, notamment avec le gouvernement aussi. Donc, ceux qui pensaient que l'hydrogène était une solution qui avait été oubliée au profit des voitures à batterie pure et dure, ben je pense que Mercedes-Benz vient de confirmer que c'était pas vraiment le cas. On est toujours dans ce monde-là. Je te rappelle qu'il y a Toyota qui est dans ce monde-là aussi, il y a Honda, il y a Hyundai. Donc, on n'a pas complètement négligé le côté pile à combustible, bien au contraire. Okay. Bon, il y a quand même eu d'autres dévoilements intéressants. Moi, celui qui m'a fait le plus triper, probablement, c'est celui de Honda avec le EV Urban Concept. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit multisegment qui a l'air d'une ancienne Civic, en fait. Oh, oui, clairement. Peu surdimensionné, ouais. 100% électrique. Bien sûr, l'habitacle oublie ça, là, ça sera jamais comme ça. Avec un super grand écran qui fait toute la largeur du cockpit, excusez. Je me suis accroché dans mon bouton de micro. Donc, on parle de toute la largeur du cockpit. Évidemment, on n'aura pas ça dans une version de production. Par contre, la particularité aussi, bien sûr, électrique, mais on n'a pas d'idée de la motorisation à proprement parler. Et là, on se retrouve avec un écran d'affichage extérieur à l'avant et à l'arrière où tu peux personnaliser ce que tu veux écrire. Okay. Tu peux écrire ton nom, tu peux écrire « J'aime ma femme », tu peux écrire, tu sais, là, libre à toi de dire ce que tu veux. Et il y a aussi un affichage de puissance. Donc, combien de batteries qui te restent, ben ça va être affiché sur cet écran-là qui est entre les phares à l'avant et à l'arrière. OK. C'est juste cute, mais c'est vraiment une bonne idée. Et oui, on a confirmé qu'il y aurait effectivement un petit concept urbain de cette nature-là qui arriverait chez Honda à un moment donné. On n'a juste pas donné de date, bien entendu. Dans les autres véhicules qui ont été étonnants, ben, il faut rappeler la Mini électrique. On le sait, on l'a dit, BMW se lance dans le produit électrique rapidement. Donc, une Mini électrique qui va elle aussi arriver en production. Encore une fois, le problème, c'est qu'on n'a pas voulu dévoiler quel type de motorisation se retrouvait dans la voiture, mais on arrive encore avec ça. Une des voitures les plus frappantes, c'est la BMW X7. Un gros utilitaire sport, et quand je dis gros, là, c'est vraiment un 7 passagers, dont le design n'a pas nécessairement fait l'unanimité, mais qui est quand même, qui fait partie de la division High Performance de BMW, donc la division qui est partiellement électrique. Ça ressemble un peu à ce qui se fait déjà avec la 740 ou la 540, donc tu branches autonomie partielle, c'est très partiel, mais au moins il y a une assistance électrique qui est assez remarquable. Okay. La déception, c'est probablement le dévoilement à Francfort du Volkswagen T-Roc ou Troc, ou appelle ça comme tu voudras, qui est un petit multisegment qui est absolument mignon. Alors, il est super beau, vraiment, mais c'est extrêmement dommage parce qu'on ne l'aura pas en Amérique. En tout cas, ça fait pas partie des plans. Je sais que ce matin, tu t'en vas chez Jaguar. Donc, tu n'auras malheureusement pas l'occasion d'essayer le nouveau I-Pace, qui est le fameux multisegment utilitaire, je ne sais pas trop comment l'appeler, électrique de 400 chevaux qui va être disponible bientôt. Par contre, on a profité du salon de Francfort pour annoncer que ce serait une série de courses, la Jaguar I-Pace Series, qui va être présentée en même temps que les courses de Formule E. Ce qui vient régler un problème dont on parlait quand on est allé à la Formule 1 à Montréal, c'est la platitude de ce qui se passe entre les courses et les qualifications. Il manque de viande. Ben là, on vient d'offrir un beau gros steak à la Formule 1. Exactement. Alors ça va être intéressant. Donc ça, c'est confirmé, ça va arriver bientôt aussi. Et dans les autres modèles qu'il faut pas négliger, d'une part, il y avait le Kia Stonic et la Hyundai Kona, deux petits utilitaires, encore une fois, de petite taille, vraiment mignon. Je vous invite à regarder le Kona. Il y a un peu la face du Jeep Cherokee avec la grille de l'Elantra GT, je trouve, mais en tout cas. Ouais, un peu. Mais c'est des véhicules qui vont arriver donc en compétition là, dans le marché des Mazda CX-3, Honda HR-V et ce monde-là. Ils sont pas tout à fait pareils, ils n'ont pas tout à fait les mêmes dimensions, ils sont pas du tout assemblés sur la même plateforme, mais c'est deux véhicules qui sont absolument charmants et que ça vaut la peine de voir. Dans la série des voitures que je pleurais que nous ne verrons pas chez nous, la Kia Proceed, c'est un concept de véhicule familial qui est absolument fantastique Qui au existe niveau en du Europe look. depuis longtemps, par exemple, le Qui Proceed, existe le en Europe Seed, depuis là, ouais. le Seed et le Proceed. Les amateurs de Top Gear se souviendront que c'est avec la Kia Ceed, d'ailleurs, que, ils faisaient leur test sur la piste à l'époque. Mais là, c'est la Proceed qui est la version familiale, concept qui est absolument magnifique. Autre concept qui devrait voir le jour, c'est le ID. Cruze 2 de Volkswagen. Le ID. Cruze étant, ce qui se rapproche encore une fois d'un multisegment utilitaire sport électrique qui va être présenté par Volkswagen et qui va s'inscrire dans la lignée là, du Buzz puis des autres véhicules Volkswagen qui sont prévus pour arriver en version électrique. Comme tu vois, il y a une œil pas mal et une qu'on ne peut pas oublier, ben, c'est la Mercedes-Benz Project One, qui est pas une voiture, qui est véritablement une voiture de course. Non, c'est pas vrai. C'est une voiture de route, mais qui est construite selon les particularités d'une Formule 1. On a pris sensiblement les mêmes motorisations que sur une Formule 1. On les a appliquées en mode presque électrique à la voiture. On parle de 1000 chevaux d'une voiture hyper légère qui va valoir un peu plus d'1 million de dollars. Alors ça, évidemment, ça fait un peu le tour de ce qui s'est passé à Francfort. Je vais quand même prendre un petit 2 secondes pour te parler d'autres choses. Deux petites nouvelles intéressantes. La première, c'est que j'ai trouvé le cadeau que tu vas m'acheter pour Noël. Ça s'appelle la Honda Mimo Type R. J'imagine que je devrais commencer à mettre de l'argent de côté comme Ben, pas tant, en fait. C'est une tondeuse à gazon. Super. Type R. Bon, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que la Honda Mimo, c'est une tondeuse à gazon qui existe déjà. C'est une tondeuse qui est semi-autonome, bon, tu sais, qui se débrouille toute seule, elle n'a pas besoin de nous autres. Et pour célébrer la puissance de la Type R, ils l'ont habillée comme une Type R avec le gros aileron et tout. C'est vraiment mignon, absolument inutile, mais super cute. Alors, si jamais tu veux m'en acheter une, tu as tout à fait le droit. Et un gars essaye, là. Non, surtout que c'est sûrement ton gars qui va s'en servir plus, ça doit être lui qui Hey fait le non, mon gars, gazon. il a jamais fait le gazon ici. Mon gars ne fait pas le gazon ici. Mon Dieu. Jamais, Mais mon jamais Dieu, dans qu'as-tu 100 ans. fait? Ben, en fait, c'est que mon fils, je dois lui donner ça, là. Il étudie fort, il travaille fort. Fait qu'il fait pas le gazon, malheureusement. C'est Il bon. fait d'autres choses. Mon fils est un excellent cuisinier, mais il fait pas le gazon. Et dernière nouvelle, rapide, rapide. Genesis qui a lancé hier soir la nouvelle Genesis G70. Ça s'est fait à Séoul dans un environnement complètement fou avec Gwen Stefani puis plein de monde qui ont lancé la G70. C'est une version sport de la compagnie Genesis. L'idée là, c'est qu'on veut rentrer dans la BMW série 3. On arrive donc avec une voiture de plus petite dimension, de belle qualité de finition, deux moteurs, un moteur 2 litres turbo de 252 chevaux, plus un V6 3.3 turbo qu'on connaît de 370 chevaux. Il y en a un troisième, mais c'est un diesel, fait que je pense pas que ça va venir chez nous. C'est donc un véhicule qui va vraiment, que l'on estime qui va être en mesure de compétitionner les berlines, là, classe C de Mercedes-Benz et tout ça. Elle est beaucoup plus jolie que les autres. Elle a beaucoup plus de personnalité que les autres. Alors, je vous invite à aller voir les photos. Ça vaut la peine. La Genesis G70 Sport. Super. Merci Marc, on va terminer là-dessus. Donc, si tout va bien, ce qui va suivre, ça va être une entrevue que j'ai faite avec les gens de Jaguar, justement sur la tournée Art of Performance, où ils font essayer des véhicules à des clients et à la presse. Puis aussi, je vais essayer d'avoir une entrevue pour parler justement de la série de courses I-Pace. Donc, on revient avec ça. Si ça n'a pas été si bien que ça, ben le prochain bloc que vous allez entendre, c'est avec Martin Archambault de Lavec. Ça va être notre chronique voiture électrique. Donc, nous sommes de retour et malheureusement, ça n'a pas été comme prévu chez Jaguar. J'ai pas réussi à avoir d'entrevue avec des gens pour me parler là, de l'espèce de tournée Art of Performance que Jaguar fait depuis maintenant 2 ans. C'est la 2e année. J'ai pas réussi à avoir d'entrevue. Ça aurait été à 3h après-midi. 3h, 3h30 cet après-midi. Moi, j'étais là 10h le matin. Donc, je voulais pas attendre là, jusqu'à 3h pour avoir des entrevues. Ça aurait été comme un peu interminable. Surtout, j'avais fini mes essais et tout ça. Donc, je vais vous parler de ça la semaine prochaine. Pour l'instant, on va aller rejoindre Martin et la chronique voiture électrique. Alors, nous sommes de retour et c'est l'heure d'aller rejoindre Martin Archambault, notre spécialiste en voiture électrique provenant directement de l'AVEC. Salut Martin! Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben, ça va numéro 1. J'avais hâte de te parler cette semaine. Ben oui, il y a plusieurs choses qui se sont passées dernièrement. J'en ai parlé avec Marc la semaine passée. On a parlé de la nouvelle Leaf, de notre, un petit peu de déception, surtout sur l'autonomie de la voiture. Puis, je voulais entendre ton côté de la médaille parce que, bon, des fois, on n'a pas nécessairement la même vision. Fait que toi aussi, tu as suivi ça de très près. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle Leaf de ton côté? Ben écoute, effectivement, j'ai peut-être un peu moins de déception que vous autres. Faut dire que je voyais venir un peu les affaires, puis j'avais eu certaines informations, là, surtout avec mon voyage au Japon là il y a 2 ans où on nous avait présenté le concept. La voiture ressemblait un peu à, même pas mal à ce que vous voyez là d'ailleurs. En fait, sur l'aspect de l'autonomie, puis c'est peut-être là un peu que je diffère avec ta vision, puis celle de Marc aussi, là, que j'ai lu aussi beaucoup sur Internet. Ça a fait, on peut pas dire couler beaucoup d'angles parce que c'est des médias sociaux, mais en tout cas, ça a fait cliquer bien des pitons. On va descendre même. Ça a levé un petit tollé, un mini tollé. Oui, c'est correct. C'est moi, tant que le monde reste poli, puis tout ça, là, j'ai pas de problème. C'est quand ça devient, quand le monde s'emballe un peu trop, que moi, j'embarque pas trop, là. Fait que peut-être, c'est peut-être pour ça que moi, puis Marc, on est capable de se parler, puis d'avoir des discussions musclées mais respectueuses. Ouais, c'est ça. En fait, moi, là où je diffère peut-être un peu de votre point de vue, là, puis peut-être le point de vue de Marc, là, parce que je l'ai lu, tu sais, c'est personnellement, puis je comprends l'objectif, puis Marc le voit vraiment, puis c'est probablement comme ça aussi, tu le vois là, dans un objectif d'adhésion ou d'aller chercher le grand public, puis on sait que le public a. Ça y prend de l'autonomie, si c'est pas réellement que ça y en prend, en tout cas dans leur tête ça l'en prend, puis on le sait, puis c'est vrai aussi qu'il y a un paquet de personnes que tant que les autos n'auront pas 350, 400, 500 km d'autonomie, ils vont avoir peur puis ils feront pas le move. Ouais, ouais. Bon, ceci étant dit, moi je roule avec une auto qui est la même chose que toi là, qui a quoi, quelque chose entre 120 et 150 km d'autonomie là, tout dépendant de si le vent il est de dos ou de face. Puis, la température qu'il fait dehors. Puis, si il fait chaud, c'est, ouais, ça. C'est ça. Puis ça correspond actuellement au moment où on se parle à 95% de mes déplacements, ça y répond. Des fois, il faut que je fasse une charge en chemin pour aller où je vais aller. Mais je veux dire, c'est pas limitatif là, au point où je dis ça n'a pas d'allure puis je ne peux pas l'utiliser dans la quasi-totalité des cas. Moi, dans mon cas, avoir un auto qui coûte à peu près le même prix que celle que j'ai là, qui passe de 30 à 40 kWh de grosseur de batterie avec les technologies plus modernes pour le reste du stock. Là. Il n'y a rien à se garocher ses mains d'une technologie du jamais vu, mais si on regarde la technologie qu'il y avait actuellement dans la Leaf, là, ça fait quand même un saut par en avant sur un paquet de trucs. Pour le même prix, moi, je trouve ça cool parce que, mettons qu'il aurait sorti le modèle avec un battery pack plus gros, là, il a annoncé qu'il y en aurait un plus gros qui serait annoncé plus tard dans l'année. Mais ouais. Mettons qu'il aurait dit, il va sortir en même temps, puis l'auto coûte, je sais pas moi, 4 000$ de plus ou 5 000$ de plus, je sais pas, là, je dis n'importe quoi. Là. Mais moi, je l'aurais pas payé parce que j'en ai pas besoin. Probablement qu'il y en a du monde qui aurait tout de suite sauté dessus parce que c'est cette capacité-là qui ont réellement de besoin ou qui pensent qu'ils ont réellement de besoin. Puis ils nous auraient dit au bout d'un an, ben finalement, c'est rare que je l'utilise au complet. Mais peu importe que ce soit une capacité que tu as besoin pour vrai ou pas de vrai, c'est sûr que ça en aurait fait de vendre plus. Fait, du point de vue de est-ce que Nissan aurait pu vendre plus de véhicules en annonçant un modèle à plus haute autonomie tout de suite? Moi, je pense que oui, il en aurait vendu plus. Maintenant, en termes de gars qui en a une puis qui regarde ça puis qui se dit est-ce que, tu sais, c'est un peu la phrase de McSween, là, en as-tu vraiment besoin? Ouais. Moi, j'en ai pas besoin puis je payerai pas. Tu sais, j'achèterai pas une Bolt, là, tu sais, au-delà du look, de qu'on l'aime le confort ou pas de la Bolt, là, tu sais. Le prix que vaut la Bolt pour l'autonomie qu'elle donne, moi, je suis pas prêt à payer cette différence de prix-là pour cette autonomie-là. Au même prix, tu me donnes l'autonomie, je la prends, mais je payerai pas la différence de prix entre une Leaf et une Bolt pour avoir l'autonomie de la Bolt parce que j'ai tellement rarement besoin de cette capacité-là que ça fait bien cher payer pour le nombre de fois dans l'année où je vais l'utiliser. Ouais, ça, parce qu'on s'entend, c'est à peu près 8 000 $ de plus une Bolt qu'une Leaf là, qui va sortir avec la nouvelle Leaf. Là. À peu près, c'est ça. Mais 8 000 $ de plus pour une batterie de 60 kWh au lieu d'une batterie de 40 kWh. Fait que le 20 kWh de plus là, que tu as dans la Bolt, ben, il vaut 8 000. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, la nouvelle Leaf qui sera peut-être annoncé s'ils respectent ce qui a été dit, si Nissan respecte ce qu'ils ont dit un peu plus tard dans l'année, ça va-tu être une 60, ça va-tu être une 50, ça va-tu être une 70, on le sait pas, puis on sait pas ça va être quoi la différence de prix, là. Ça sera pas le même prix non plus. Hein. Non, c'est clair. Il y a un modèle à 40 qui est à peu près le prix d'une intermédiaire actuellement là, dans la gamme de Nissan pour la Leaf, là. Puis ça va-tu être le même prix? Sûrement pas. Fait que là, la différence de prix entre les deux, écoute, s'il y a 1000 pièces de différence entre les deux, c'est sûr que c'est super tentant, mais moi, je mettrais plutôt ma main, je gagerais un gros 10 sur le fait que s'il monte à 60 kWh, ben, ça va être de l'ordre de 6, 7, 8 000 de plus. Là, ouais, fait que, ouais. Moi, je dis 5, 6, là, au moins minimum 5, peut-être plus que ça. Probablement plus. Là, mais... fait que pour ce qui est de l'autonomie, si on regarde l'aspect de l'autonomie, ça, moi, c'est ma position. Maintenant, je comprends qu'il y en a qui en voulaient plus. Je le comprends super bien, puis j'ai pas de trouble avec ça, mais moi, ça me déçoit pas dans le sens où moi, j'aurais été déçu du scénario pour m'acheter une Leaf. J'ai pas le choix de payer 6 000 $ de plus pour avoir 60 kWh parce que moi, j'aurais trouvé qu'il y aurait manqué de quoi. Entre ce que j'ai là, j'en prendrais un petit peu plus, mais entre ce que j'ai là et une 60 kWh, pour moi, il y a un trou entre les deux qui correspond là exactement aux besoins que j'ai. Si j'avais ça, là, c'est plus 95% de mes déplacements. C'est probablement 98,5 ou 99 que je peux faire. Puis là, garde pour le 1%, là, c'est-à-dire une fois par année où je trouverais ça vraiment le fun d'avoir un peu plus d'autonomie, je ne paierais pas 8 000 $ de plus pour ça, c'est sûr. Mais ça, c'est moi. Chaque personne a son point de vue là-dessus. Ouais. Si on parle des autres features après ça, ben tu sais, moi, personnellement, le Pro Pilot puis le Pro Pilot Park, c'est vraiment cool, là. Mais si tu me donnais l'option de remplacer ça par plus d'autonomie ou débarquer ça puis baisser le prix, je le prendrais pas, tu sais. Mais encore là, pour moi, ça, c'est des gadgets, tu comprends? Tu l'aimes pas, il y en a plein de gadgets de ce type-là sur les nouveaux véhicules, puis il y a plein de monde qui trouve ça le fun, mais première chose que tu te rends compte, c'est que c'est quasiment toujours à off, là, parce qu'ils trouvent ça fatigant, le petit bip-bip, quand tu viens pour changer de voix, puis bon, t'aimes-tu ça, t'aimes-tu pas ça? Ça, c'est une question de goût, mais encore là, moi, ça, peut-être les amateurs de gadgets, puis les amateurs d'auto électrique, il y en a encore bien gros que c'est des tripes de gadgets, ils vont aimer ça, mais moi, ça m'allume pas tant que ça, sans pour autant me décevoir. Le reste, tu sais, c'est... Je veux dire, ils pouvaient pas ben rester avec le même système de navigation qu'avant, là, on s'entend-tu que même neuf, c'est... C'est en termes de ça, ça avait besoin d'un gros boost. Fait que de passer à Android Auto puis Apple CarPlay, c'était juste normal selon moi. Ouais. L'aérodynamisme est amélioré, mais pas à tout casser un peu. Là. Ouais. Est plus joli, a l'air moins extraterrestre, donc les gens vont aimer ça. Oui, c'est plus, ça ressemble plus à une voiture Nissan standard. Oui, je pense que ça va peut-être accrocher ceux qui n'aimaient pas le look un peu trop spécial de la Leaf avec ses gros yeux de grenouille. Il y a le chargeur aussi, hein, le chargeur L1, L2 qui est fourni, donc être capable de se charger là, L2, mais limité à 16 ampères par contre. Là. Non, mais c'était juste un fil, c'est pas une borne. Hein? C'est le fil, mais il permet de... dans le fond, c'est comme l'ancienne borne, on pouvait acheter un kit là, sur Internet pour la modifier et être capable de la brancher sur le 220. Là. Okay. C'est comme si tu avais ça de fourni dedans. Fait que c'est sûr, ça charge plus vite, là. Mais c'est pas, faut pas que les gens pensent que ça remplace totalement une borne standard qu'on pourrait installer à la maison. Par contre, quelqu'un qui utilise pas beaucoup l'auto dans une journée ou qui l'utilise pas tous les jours, ça pourrait être suffisant pour les recharges parce que là, on n'est plus au niveau L1 là, vraiment lent. Là. T'es comme quelque part entre une borne L1 et une borne L2, fait que ça devient quand même intéressant pour certaines personnes. Non, c'est bon pour les recharges de nuit. T'sais, si t'es pas pressé, ta charge le soir, tu veux juste pleinement charger le lendemain matin, c'est parfait. C'est en plein ça. C'est ouais. en plein ça. Puis le dernier point, je dirais, pour conclure là-dessus, ben, c'est le mode e-pédale, e-pédale, qui est la conduite à une seule pédale avec de la régénération beaucoup plus grande qui permet là, de ralentir et même d'immobiliser le véhicule sans avoir à peser sur les freins. Même dans une pente, là, ça ouais. fonctionne. Ce que la Bolt fait déjà. Là. Ce que la Bolt fait déjà, puis que d'autres modèles font déjà aussi. Ça aussi, ça faisait longtemps que ça s'attable à dessin. Ça avait été étudié. Moi, je te cache pas, là, maintenant, je dois pouvoir. J'imagine que je peux en parler à ce temps que c'est sorti, mais quand j'étais allé, on nous en avait parlé, puis ils nous avaient présenté plusieurs concepts de pédale pour la Leaf en nous demandant ce qu'on aimait moins et ce qu'on aimait le plus. Là. Donc, je savais que ça s'en venait. Ça aussi, c'est un feature que les gens qui sont souvent pognés dans le trafic, et c'est mon cas, peuvent aimer parce que ça permet là, de conduire sans toujours avoir à se déplacer le pied entre la pédale d'accélération et de frein. Ouais, c'est le fun. C'est un gros plus de pouvoir juste peser sur l'accélérateur puis pas du tout avoir à toucher au frein. Là. Exact. Fait que ce que ça donne finalement, c'est que tu as comme la moitié du monde qui sont déçus, puis tu as la moitié du monde qui sont contents. Fait que regarde, on va voir ce que ça va donner. Le gros, le nerf de la guerre, puis c'est d'après moi, tout va se jouer là, c'est le volume de distribution du véhicule quand il va être livré au concessionnaire. S'ils sont effectivement capables de vendre ce véhicule-là dans sa version intermédiaire là, à peu près 40 000 $, là, 39 598 là, pour le SV qui est annoncé, puis en quantité, c'est-à-dire que tu sais pas des 8 puis 10 mois d'attente comme la Bolt, puis la Hyundai Ioniq, puis des trucs comme ça, ben c'est là que tout va jouer. S'ils sont pas capables de livrer la marchandise en termes de volume, ben ils vont se faire damer le pion, c'est sûr, parce que c'est au moment où on se parle, selon moi, c'est l'avantage qu'ils ont, c'est un prix raisonnable, puis une capacité de distribution, si on regarde l'ancienne Leaf, qui était au-delà des autres marques, là, peut-être à l'exception de la Volt, puis encore même la Volt a commencé à être dure à trouver. Ouais, ouais. La Leaf, c'est l'avantage qui était facile à trouver dans les concessionnaires qui étaient certifiés Leaf. Tu arrivais, puis il devait en avoir une ou deux sur le terrain. Rarement dans la salle de montre, par exemple, mais des fois, il y en avait une sur le terrain. Fait que c'est quand même ça d'intéressant. Fait que c'est peut-être la place où Nissan va se démarquer, parce que la Bolt est difficile à avoir, les autres sont difficiles à avoir. La Kia Soul est peut-être plus facile maintenant, mais c'est toutes des voitures qui ont moins d'autonomie que ce que la nouvelle Leaf peut offrir. Je pense que Nissan a une petite fenêtre où ils vont pouvoir peut-être se démarquer là, en étant moins cher avec une autonomie semblable à ce que les autres font. Tu sais, la Ioniq, 200 km à peu près, la Soul à peu près 200 km aussi. Mais quand ces deux voitures-là vont venir à leur prochaine génération, puis Hyundai, c'est comme l'année prochaine, là. Ben là, la Leaf va retomber un petit peu en arrière. Moi, c'est là que je suis déçu. Je suis pas déçu nécessairement du 241 km d'autonomie. Je suis déçu que Nissan prenne pas son rôle de leader comme au sérieux, tu sais. C'est eux autres qui sont arrivés sur le marché avec la première voiture électrique, tu sais, abordable, puis achetable pour à peu près pour monsieur et madame tout le monde. Puis là, ben, ils se retrouvent comme en arrière, tu sais, ils ont comme pris un... Mais c'est leur vision, c'est correct, mais j'aurais aimé ça pouvoir dire, bon ben, je t'offre la 40 kWh cette année, puis je t'offre la 60 aussi, t'es prêt à payer 8000 de plus pour une 60, ben elle est là. Ouais, puis montrer qu'ils sont capables de sortir, d'être égal aux autres. Mais bon, on verra où ce qu'ils s'en vont avec ça, c'est leur culotte, c'est eux autres qui... qui décide comment il porte. Oui, tout à fait. Puis on va voir comment le marché va répondre aussi. Tu sais, c'est vraiment disponible. Quand leur premier modèle a été rendu disponible, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Hein. Les gens qui voulaient payer en bas de 40 000 pour une voiture, il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais là, il y en a du choix. Fait que le consommateur va voir s'il va être au rendez-vous puis s'il va se lancer là-dessus. Parce qu'entre les deux, ben si Hyundai qui se met à rendre des voitures disponibles, puis si t'as la Bolt qui commence à être disponible, ben pas sûr que le monde va pencher nécessairement vers la Leaf. Fait que reste à voir comment à quel moment ils vont être disponibles, à quelle vitesse ils vont être en volume pour que les consommateurs puissent aller s'en chercher puis voir s'ils vont être au rendez-vous autant qu'ils l'étaient là, pour la première génération. Ouais, genre de voir le confort aussi, parce qu'à date, ma préférée, même si je conduis une Leaf souvent, ma préférée, c'était la Hyundai Ioniq. Pour le confort, puis le look général de la voiture, puis tout ça, la Ioniq, je suis d'accord avec toi. Petite marque d'avance, même sur une Bolt là, qui a plus d'autonomie, mais pour le reste, la Ioniq est supérieure à peu près en tous les points de ce que j'ai conduit comme voiture électrique à date. Il me reste la E-Golf à essayer. Je suis en démarche pour me la réserver là, dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Martin, on a parlé un petit peu trop longtemps de la Leaf, fait qu'on va être obligé de finir là-dessus pour cette semaine. On avait d'autres sujets, mais on en reparlera quand tu reviendras. Ça sera probablement toujours d'actualité. Si les gens veulent te rejoindre ou te poser des questions, comment font-ils cela? Ils peuvent m'écrire tout simplement à martin@aveq.ca. Super. Puis ils peuvent visiter le aveq.ca s'ils ont des questions. Il y a un forum, il y a toutes sortes de belles informations. Beaucoup d'informations sur le livre dont on a parlé aujourd'hui, des photos, des impressions, des routiers, plein d'informations. Super. Martin, merci encore une fois d'avoir pris du temps pour venir nous parler aujourd'hui. Puis on se reparle dans une couple de semaines. Ce fut un plaisir. Bonne semaine. Merci, toi aussi. Bye. Alors, nous, on fait une petite pause, puis on revient tout de suite avec Marc, puis on va parler de nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour, et ça va être l'heure de terminer l'émission avec nos essais de la semaine, ce qu'on fait très rarement. Marc, tu veux nous parler d'une voiture assez intéressante, une voiture que j'aime beaucoup, surtout dans son design et son allure. C'est la Mercedes-Benz SL550. Oui, en fait, je me gâte cette semaine parce qu'évidemment, on est dans une période où il fait super beau, beau soleil, fait 28 degrés, donc je roule en cabriolet. C'est un peu hasard, c'est parce que je mène une bonne vie. Oui, c'est ça qu'on Mais dit. J'ai eu l'occasion, effectivement, d'utiliser cette voiture-là depuis le début de la semaine et c'est vraiment, vraiment impressionnant. J'avais conduit la voiture dans le passé à quelques reprises. Je l'ai aussi conduite quand j'ai fait la tournée du Canada, tu te rappelles, en cabriolet. Mm-hmm. Ça faisait partie de ce qu'on a fait. C'est des sections qu'on a conduites un peu partout dans le pays. Mm-hmm. Mais là, j'ai vraiment l'occasion de passer la semaine avec. On a d'ailleurs tourné l'émission « Ça roule avec ». Ça va diffuser un peu plus tard cette année. Et je l'ai testé, non pas sur la piste, parce que ce n'est pas le genre de voiture que j'ai envie d'amener sur une piste, mais vraiment dans toutes les conditions. Je me suis retrouvé pris en ville, sur autoroute. J'ai eu l'occasion de faire quelques accélérations. C'est une méchante voiture. OK. Voiture qui est partagée entre deux éléments. Le côté très luxueux, bien entendu, on va y revenir. Le côté performance. Écoute, on parle d'un V8, 449 chevaux, 516 livres-pieds de couple. Ouais. Jumelé à une boîte automatique 9G Tronic, qui est la boîte là, de Mercedes que l'on connaît bien. Mm-hmm. C'est un petit monstre, littéralement. Le couple se fait sentir à très bas régime. Quand tu accélères, ça part. Tu restes pas sur le coin de la rue, je peux te le dire. Et il y a différents modes. Les modes, bien sûr, confort, le mode sport plus. Et il y a un mode curve, donc un mode courbe, pour une conduite qui est plus appuyée en mode dynamique. Et vraiment, ça paraît, là, les suspensions réagissent beaucoup mieux. Je pensais que c'était un mode où quand tu t'assoyais dedans, ben vu que tu as des courbes, les sièges s'adaptaient. Mais OK, je me suis peut-être trompé. Alors, on s'excuse auprès des auditeurs, on a encore des problèmes de son, comme vous voyez. Les commentaires de Luc sortent en niaiserie, ouais. On n'y peut rien. Ouais. On essaye de corriger ça semaine après semaine, puis ça marche jamais. Je vais m'acheter un nouveau micro, un nouveau programme d'enregistrement. Effectivement, essaye celui avec le bouton off, mais en tout cas. Alors, ce que je disais donc, c'est que, effectivement, tu me fais perdre le fil en plus. Donc, c'est quand même une voiture qui se comporte bien. Le problème, c'est qu'elle a un capot qui n'en finit plus. Le capot est très, très long à l'avant. Et il y a un porte-à-faux très long. Le porte-à-faux, ce que c'est, ben, c'est tout simplement la distance entre la roue et le bout du capot complet. Donc, la portion qui est au-dessus du vide, si tu veux, mm-hmm. en avant des roues. Plus c'est long, plus ça a tendance à nous entraîner dans une mauvaise direction en entraînant un peu de sous-virage. Évidemment, c'est plus difficile à maîtriser, bien que les suspensions corrigent ça assez facilement. Un petit détail, il n'y a rien de plus agréable que d'appuyer sur le bouton « Start ». Quand on part le moteur, il y a un son de V8 qui sort de là qui est absolument fabuleux. Juste, t'es pas obligé d'accélérer en fou, là. Juste démarrer le moteur te fait un petit ronron absolument agréable. Okay. Ceci étant dit, ça, c'est le côté performance. Je te signale aussi que la 550, c'est pas la plus petite. Il y a la 450 qui existe, mais c'est loin d'être la plus grosse parce qu'elle est disponible, la SL, en version 63 AMG et 65 AMG. Mais là, on parle d'un V12 de 600 quelques chevaux et d'une facture de 245 000 $. C'est peut-être un peu moins dans mon budget. Remarque que celle-là ne l'est pas plus, là. Mais j'avoue que 245 000, là, ça commence à être une solide hypothèque. Ça commence à être une belle petite maison. Ouais. Dépendant où tu l'achètes, là, ça peut être une belle petite maison. Ouais. Effectivement. Par contre, la SL cabriolet comme celle que j'ai, c'est un deux places vraiment confortable. Oui, c'est relativement dispendieux, on s'entend, là, c'est 125 000 $. Pour les gens qui ont les moyens, c'est l'une des voitures les plus agréables. Évidemment, c'est une catégorie où il n'y a pas tant de compétition non plus. Dans ce format-là, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Et comme je te le disais, on a vraiment joué la carte de... On joue le confort en même temps que le luxe. Les sièges sont enveloppants à souhait. On a là-dedans les sièges dynamiques de Mercedes-Benz. Sièges dynamiques, tu le sais, c'est que quand tu tournes, les appuis se gonflent ou se dégonflent au besoin pour vraiment te donner toujours le même support partout. Okay. C'est absolument fabuleux, ça fonctionne très bien, c'est très rapide. Siège chauffant, siège ventilé, bien entendu. Siège massage, comme il se doit. Bien, bien quatre, sûr. Quatre sortes de massages. T'as ce qu'on appelle le air scarf, qui est l'affaire que ma femme ne se passerait plus jamais dans sa vie. Le air scarf, c'est un petit jet d'air chaud qui est projeté dans le cou, entre l'appui-tête et le haut du dossier, si tu veux, là. Il y a une bouche d'aération qui t'envoie de l'air chaud. C'est assez spectaculaire comme confort. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Mais tu sais, si tu veux vraiment, toi, t'en as deux air scarf portatifs à la maison. Ils ont juste à te respirer dans le cou pendant que tu conduis, puis ça fait la même affaire. C'est juste un peu moins agréable d'entendre. Il y a ça. Puis des fois, il y a un petit peu de bave qui vient avec, là, mais bon. C'est ce que je te pour dire. Et de temps en temps, il va passer un chat, fait qu'il se met à japper. C'est un peu moins silencieux. En tout cas, mais sérieusement, le air scarf de Mercedes, c'est super génial. Écoute, jumelé avec les sièges chauffants, un peu de chauffage, tu peux rouler à une température extrêmement basse et t'es malgré tout très, très confortable. Okay. Un autre élément intéressant, j'en ai déjà parlé, mais ça me fascine à toutes les fois. C'est le Magic Sky. Quand le toit est fermé, c'est un toit rigide qui prend quand même un peu plus que 20 secondes à se mettre en place. Là. C'est un peu long. Mais le Magic Sky, c'est un bouton sur lequel tu appuies et le toit vitré devient opaque. OK. Ça fonctionne avec des petites particules métalliques qui se couchent ou se lèvent selon qu'on injecte ou pas d'électricité. Mm-hmm. Ça fait un éclairage bleuté plus foncé qui annule complètement les rayons du soleil. C'est absolument génial, j'adore ça. Bien sûr, il y a tout le reste, l'ergonomie, les cadrans devant nous sont faciles à lire. Pas d'affichage tête haute, ça m'a un peu étonné. Mais quand même, c'est bien. C'est, il y a bien entendu le système multifonction de Mercedes-Benz qui me fait un peu moins triper avec la molette puis un affichage qui, dans certains cas, a l'air un peu vieillot. Okay. Tu sais, on n'a comme pas renouvelé nécessairement tout le design. C'est quand même assez facile de s'y retrouver. Bref, c'est vraiment une voiture qui conjugue à la fois la performance et à la fois la, je te dirais, la puissance et le luxe et le confort. Et c'est ça conjugue aussi 136 000 piastres avec les options que j'ai, par contre. Alors, évidemment, ça fait partie des éléments dont on doit prendre en considération. Mais sincèrement, dans cette catégorie-là, ils sont encore ceux qui, à mon sens, dominent le marché sans aucune équivoque. Ouais, non, c'est une belle voiture. J'ai toujours adoré. Je me rappelle avoir été m'asseoir dans une... Je pense que c'était une SL 350, par exemple, au Salon de Montréal. Puis j'avais vraiment aimé cette voiture-là. Là, les 350, ils l'ont plus. Là, ils commencent à 450. Mais c'est sûr que c'est une histoire aussi. On pourrait faire toute l'histoire de l'ASL depuis ses débuts. Et Dieu sait qu'elle en a une histoire. Mais bon, on n'est pas là encore. Là. C'est bon. En changement de sujet, toi, ben, t'as eu une voiture que j'aurais pu rentrer dans le coffre de ma SL. Ouais, peut-être, mais je pensais que t'allais peut-être faire l'essai du Volkswagen Atlas, fait que là, j'allais vraiment faire la joke de j'aurais pu mettre la voiture dans le coffre de ta Atlas. Mais c'est parce que je l'ai déjà fait, l'Atlas, pour moi. Ça se peut. Tu vois comment je t'écoute. Mais non, c'est ça. Donc, oui, j'ai la Toyota Yaris 2018 présentement entre les mains, et puis, ben, c'est une voiture qui est quand même assez intéressante, voiture très populaire, voiture qui va... Tu sais, au cours des ans, garder sa valeur de revente et tout ça, parce que c'est quand même une voiture qui est primée, qui est fiable. On le sait, Toyota, c'est des voitures qui sont fiables. Donc, tu sais, c'est une voiture qui est jolie de l'extérieur, peut-être pas aussi osée que les nouveaux produits Toyota. J'ai hâte de voir la prochaine version de la Yaris. Peut-être qu'on va y aller un petit peu plus osé avec un extérieur un peu plus flyé. C'est encore moyennement conservateur, même si l'avant est quand même... C'est un design quand même intéressant. L'intérieur, c'est correct, là, c'est pas à s'acheter par terre, là, mais c'est quand même, la finition est quand même bien, c'est assez monochrome parce que c'est noir et gris. On a un écran tactile, puis on a tous les systèmes multimédia qu'on peut avoir besoin, la connexion Bluetooth pour écouter de la musique et ces choses-là, des appels. On a aussi le Toyota Safety Sense, donc on a les détections de changement de voie, puis tous les systèmes d'aide à la conduite, sauf là, la voiture se ramènera pas dans sa voie elle-même, mais elle va vous avertir si vous changez de voie, les angles morts et tout ça. Donc je trouve ça intéressant pour une petite voiture comme ça, d'avoir toutes ces petits gadgets-là qui peuvent rendre la conduite un peu plus sécuritaire. Côté motorisation, c'est un petit 4 cylindres d'1.5 litres qui développe 106 chevaux, 103 livres-pieds de couple. C'est quand même suffisant pour la grosseur de la voiture. Le problème majeur de la Yaris que j'avais entre les mains, c'est parce que j'en ai une autre cette semaine. J'ai la version manuelle cette semaine, j'avais la version automatique il y a 2 semaines. C'est sa boîte automatique. C'est une boîte automatique à 4 rapports. Je veux dire, à 100 km/h sur l'autoroute, là, la voiture est au-dessus de 2000 tours minute. Ça consomme de l'essence pour rien. Ça, c'est le problème des Yaris, par exemple. Hein? Ouais. Peu importe la Yaris de n'importe quelle génération, ça consomme toujours plus qu'une Toyota Corolla, ce qui est pourtant un peu ironique. Là. C'est ça. Puis, j'ai fini avec 7 litres au 100 km, ce que je trouve haut pour une voiture de cette grosseur-là, puis qui est supposée être une voiture économique. Fait que le problème, c'est probablement la transmission. Regarde, une transmission 4 rapports, là, je veux dire, il n'y en a plus. Là. Tout le monde a sacré ça dehors puis est rendu à des minimums 5 vitesses, majoritairement du 6 vitesses dans ces voitures de ce grosseur-là, qu'on aille chez Kia, chez Hyundai, même chez Ford, on a des transmissions 6 vitesses dans nos petits véhicules. Ce serait peut-être le temps que Toyota fasse ce move-là, là, aller vers une transmission automatique à 5 ou 6 rapports. C'est sûr que là, ils ont voulu jouer la game des économiques. C'est une transmission qui date des années 20. Là. C'est ça. J'exagère, mais on a probablement une tonne de ces tablettes, fait que ça coûte rien à mettre dans le véhicule. Mais c'est ça. Mais j'aurais aimé une transmission peut-être automatique un peu plus efficace. Une 6 vitesses, ça aurait descendu probablement de pas mal la consommation d'essence, mais pour le reste, c'est un véhicule qui est agréable, c'est quand même assez confortable, sauf, je trouve les sièges intérieurs un peu durs. Quand je me suis assis dedans, j'ai trouvé que c'était ferme, là. Les sièges sont vraiment fermes. On s'habitue un peu, mais quand on conduit longtemps, là, j'ai fait un aller-retour à la ronde avec, puis quand je suis arrivé à la ronde, c'était le temps que j'avais le goût de m'étirer un petit peu. Là. Déjà, mon Dieu. Ouais, j'ai trouvé les sièges un peu fermes. Fait que peut-être, tu sais, ramollir un peu les sièges, mettre une transmission un petit peu plus efficace, puis on aurait vraiment un véhicule gagnant. Mais Toyota pas vraiment besoin de ça pour que la Yaris soit un véhicule gagnant. La Yaris se vend très bien, et la Yaris est au Québec. Se vend très bien au Québec, puis c'est un véhicule qui est, tu sais, qui va garder, comme je disais, sa valeur de revente, puis qui est populaire parce que, bon, c'est fiable, c'est la fiabilité on n'a rien à redire contre la fiabilité Toyota. Le prix du véhicule d'essai que j'avais, c'est 21 657 $43. De base, c'est 19 350 $. Ce qui est assez cher, là. Ouais, j'ajoute 589 $ d'accessoires, 589 $ d'accessoires, donc avec les taxes et tout ça, mais ça donne 21 000 $ avec la préparation et le transport. Tu sais, c'est un peu cher comparativement à la compétition, sauf que, ben, si quelqu'un veut une voiture fiable, qui aime Toyota en partant, qui veut une voiture fiable, qui n'aura pas de problème avec, ben, tu sais, souvent, c'est le choix que les gens vont aller chercher parce qu'ils veulent pas se casser la tête puis être passé leur temps au garage, puis des choses comme ça. Puis Toyota, ben, a une bonne réputation côté fiabilité. Fait que c'est une voiture que j'ai quand même bien appréciée. Quelques petits points que je retoucherais, là, transmission et siège avant. Mon fils a dit que les sièges arrière étaient hyper confortables. Donc, en arrière, c'est peut-être bien différent. J'ai pas pris le temps d'aller m'asseoir en arrière, mais lui, il avait rien à dire. Mais en avant, on trouvait les sièges un peu durs, autant moi que ma conjointe. Fait que Marc, ça va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment vont-ils cela? Ben écoute, la meilleure méthode est toujours la même, c'est-à-dire d'aller sur mon blog marcbouchard.ca, oui, qui est le meilleur endroit. Vous avez là toutes les données pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sinon, vous allez sur Facebook, bien sûr, Marc Bouchard, vous reconnaîtrez mon joli minois. Vous pouvez aussi aller sur Twitter, Marc souligné Bouchard, ou sur Instagram, Bouchard souligné Marc. Comme tu vois, je suis très original dans mes noms d'usagers. Donc, c'est la meilleure méthode. Et sinon, vous pouvez toujours nous écrire à info à commercialsaroule.com. On reçoit les messages, Luc et moi, et on se fait un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Ouais. Quant à toi, mon cher, on te rejoint comment? Mais c'est info à saroule-radio.com. Parce que ça roule, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit saroule.com. C'est saroule-radio.com. Saroule.com, c'est peut-être ton site à toi, la TV vedette et tout ça. Moi, c'est la radio. Non, moi, c'est saroule.tv. OK, moi, c'est saroule-radio.com. Où étais-je, diantre? Je sais pas. Donc, t'étais à Trois-Rivières en train d'enregistrer Saroule TV. Donc, c'est ça. Moi, sur Twitter, c'est Ask Alazormo. Il y a aussi le compte Twitter de Saroule Radio qui est à Saroule Radio. Notre page Facebook, Saroule Radio. Vous pouvez aller nous écrire là si vous voulez. En message privé, si ça vous tente pas d'étaler votre question sur la page principale, on va répondre au message privé. On a aussi, vous pouvez nous écouter mais sur... Pas de photo indiscrète, par exemple. Non, s'il vous plaît. Pas de temps que ça. Non, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Donc, à moins que vous ayez des photos compromettantes de marque, ça, je suis toujours prêt à les prendre puis les reposter après. Sinon, vous pouvez nous écouter sur à travers iTunes, à travers Google Play. On est aussi sur trois radios Internet, Radio H2O, sportradio.ca et Radio Média Plus, qui est un nouvel arrivé là, qu'on a commencé la semaine passée. Donc, c'est ça, vous pouvez nous écouter à ces trois endroits-là. Donc, Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission avec moi. Merci aux auditeurs d'avoir pris le temps et d'avoir été assez solide pour écouter cette émission au complet. Et puis, on se redit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye, bonne semaine.